Georges Courteline, Gros Chagrin. Enregistré par Charlotte dans le rôle de Caroline et par Sabine dans le rôle de Gabrielle, pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Au lever du rideau, Caroline fait de la tapisserie à la clarté d'une lampe posée sur un guéridon. Un silence. Brusquement, violent coup de sonnette. Caroline dépose son ouvrage, quitte la scène et va ouvrir. À la cantonade, on entend « Gabrielle !» et aussitôt les sanglots bruyants de Gabrielle. Réapparition des deux jeunes femmes. « Ah ça, mais tu pleures !»« Oh ma chère, ma chère !»« Mon Dieu, que se passe-t-il ? » »« Une chaise, donne-moi une chaise !»« Tiens !»« Merci, un verre d'eau, veux-tu ?» Tout de suite, mon pauvre chat, mon pauvre chat. Pour Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tiens, bois. Merci, aide-moi à dégrafer mon boa. Tâte mes mains. Tu as une fièvre. Je suis comme une folle. Calme-toi, je t'en supplie. Tu me tournes les sangs. Je suis comme une folle, je te dis. Bois encore un peu. Là, voilà. Tu te sens un peu mieux? Oui, non, oui, je ne sais pas. Ah, mon Dieu, soyez donc une honnête femme. Enfin, que se passe-t-il? Ce qui se passe, il se passe que mon mari me trompe. Non. Si. Qu'est-ce que tu me dis là? La vérité. Fernand. Fernand. Qu'est-ce qui aurait pu croire ça de lui? Crois-tu, hein, après 9 ans de mariage, en pleine lune de miel? Eh bien, nous sommes propres toutes les deux. Ah bah, est-ce que toi aussi? Non, moi ce n'est pas cela. Seulement, imagine-toi que j'ai tous les ennuis. Ma belle-mère est à l'agonie et je suis sans bonne. Allons donc. C'est comme je te le dis. Tu as renvoyé Euphrasie? Ce matin. En voilà une histoire. Ne m'en parle pas, j'en suis malade. D'autant plus que c'était une perle, cette fille. C'est vrai. Une perle, un diamant. Elle avait toutes les perfections, mais voleuse. Qu'est-ce que tu veux? Quand ce n'est pas ça, c'est autre chose. Ainsi, moi, tu te rappelles Adèle, ma femme de chambre? Parfaitement. Une grande bringue qui avait une tête de brochet. Précisément. Eh bien? Est-ce qu'un jour? Non mais écoute ça. Je ne l'ai pas pincée en train de se débarbouiller avec mon éponge de toilette. Pas possible! Ma parole d'honneur. Ah! La sale bête! Je l'aurais tuée. Tu es bonne, on n'a pas le droit. Qu'est-ce que je te disais? Ah oui, alors voilà ma chère, il me trompe. Hélas. Es-tu sûre au moins? Adieu. Mon pauvre chou, mon pauvre chat. Oh oui, va, tu peux me plaindre, je suis assez malheureuse. Mais je te plains de tout mon cœur. Ah, mais bien sûr, non, tu n'avais pas mérité ça. Enfin, est-ce vrai? Voyons, conte-moi ça en détail. Du moins, te peine, ma chérie, cela te soulagera toujours un peu. Eh bien, voilà. Tu sais que Fernand va à la bourse tous les jours. Moi, je reste seule et je m'ennuie. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu retournes ses poches. Je connais ça. Parfaitement. Et je fouille dans son secrétaire. Tu as la clé. J'en ai fait faire une. Ce que tu as bien fait. N'est-ce pas? Tiens. Oh, ce n'est pas par curiosité. Bien sûr, non. C'est par prévoyance. Sans doute. Mieux vaut avoir 2 clés qu'une seule. Au moins, si on perd la première. On a la seconde. Voilà tout. Et à propos, que je te fasse rire. Est-ce que je t'ai conté que l'autre jour, j'avais perdu la clé de chez nous? Ta clé? Non. Quand? la semaine dernière. Comment je ne t'ai pas dit cela ? En voilà la première nouvelle. Ah, ma chère, ça a été toute une histoire. J'avais passé la soirée chez maman, figure-toi. Tu sais que maman, le jeudi soir, donne du thé et des petits fours. Bon, minuit sonnant, je saute dans un fiacre. J'arrive chez nous, je grimpe mes 3 étages 4 à 4. Une fois à ma porte, pas de clé. Pas de clé ? Pas l'ombre. Oh, c'est drôle ! Et ton mari ? Au cercle. Un vrai guignon ! Crois-tu ? Avec ça, pas de lumière. Je n'ai jamais tant ri. Je suis restée sur le palier jusqu'à 2 heures du matin à attendre le retour de Fernand. Fernand ! Ah, le gredin ! Ah, le monstre ! Il me trompe ! Où en étais-je donc ? Aux poches retournées. C'est juste. Eh bien, j'y ai trouvé une lettre dans sa poche. Une lettre ? Oubliée ? Parfaitement. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes ! Ce n'est pas à nous que ces oublis-là arriveraient. Oh non ! De qui, la lettre ? Devine. Ma foi. Ne cherche pas, va. C'est tellement monstrueux, tellement abject, tellement ignoble. Rose Mousseron. De Parisiana ? Oui, ma chère, de Parisiana. Cette fille qui chante... J'ai une petite maison à barbe, j'ai une petite maison à barbizon. Ce n'est pas l'air. Si. Non. Si. Tu te trompes. Tu es sûre ? Je te jure. Tiens, c'est comme ça. J'ai une petite maison à barbe, j'ai une petite maison à barbizon. Tu as raison. Je confondais avec l'Almée de la rue du Caire. Recommence un peu pour voir. J'ai une petite maison à barbe, j'ai une petite maison à barbizon. Tu y es. Ça ne doit pas être bien malin d'avoir du succès au café-concert. Parbleu, et alors ? Et quoi alors ? Pour m'en finir, avec ton histoire. Quelle histoire ? L'histoire de la lettre. Quelle lettre ? La lettre de Rose Mousseron. La lettre de Rose Mousseron. Ah oui, une lettre immonde, ma chère, pleine de saleté et d'horreur, une véritable dégoûtation. Tu l'as sur toi, mon cœur ? Non. Tant pis. Ah, les lâches ! Ah, les misérables, les infâmes ! Voilà pourtant à qui nous sacrifions tout, notre jeunesse, nos illusions, nos pudeurs. Jamais, tu entends bien, jamais je ne pardonnerai ça à Fernand. Mon Dieu, que je souffre. Pour sûr, je vais avoir une attaque de nerfs. Je t'en prie, Gabriel, pas d'attaque, puisque je te dis que je suis sans bonne. Donne-moi un peu d'eau de mélisse. Tout à l'heure. Tiens, mon petit chat, tu ne sais pas ce que tu vas faire ? Si, je vais me suicider. Mais non, tu vas rester dîner avec moi. Ça te changera le cours des idées. À dîner ? Je ne peux pas. Pourquoi ? Nous dînons chez les Brossard-Bourg. Il paraît que ce sera charmant. On dansera. Et pendant que j'y pense, tu connais le pas de 4, Caroline ? Tu veux bien être mimi avec ta pauvre affligée ? Certainement. Apprends-le-moi, dis. Comment donc ? Les deux femmes se placent en vis-à-vis, l'une à la cour, l'autre au jardin. L'orchestre joue le pas de 4. 3 pas en avant, un petit coup de pied, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Comme ça, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Tu y es ! Ce n'est pas difficile. Pas pour 2 sous. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, et bien balancé, et en mesure. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la